Embaucher sans embûche, c'est encore possible? Comment être plus vert sans être dans le rouge? Ou trouver de bonnes informations sur les formations? Être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup de questions. Avec le mouvement des entreprises de France, vous n'êtes jamais seul pour y répondre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medef.com. On le sait, les fouilles préventives, donc liées à l'aménagement du territoire, sont en France les plus pourvoyeuses de données archéologiques. Ainsi, la création par la RATP d'une nouvelle sortie RERB à la station Palais-Royal, mais surtout à la lisière du quartier latin, ne pouvait que révéler des vestiges. C'est chose faite puisqu'une équipe de l'INRAP vient de mettre au jour une partie de la nécropole de l'antique cité de Lutèce. À Saint-Cloud, l'aménagement de la caserne Sully en futur musée du Grand Siècle révèle aussi son lot de découvertes, notamment l'orangerie de Marie-Antoinette. C'est donc deux reportages sur le terrain que le magazine de l'archéologie vous propose ce soir. Dans l'axe exact du méridien de Paris, mais aussi du RER, cette avenue de l'Observatoire que j'ai retrouvé sur son terrain, Camille Colonna. Nous avons découvert une partie de la nécropole sud de Lutèce, datée du IIe siècle. Et alors, l'objet, c'est en fait des travaux de la RATP, une sortie de métro? C'est exactement ça. Ils vont créer une nouvelle sortie du RERB au niveau de Port-Royal. Et donc à cette occasion, il y a eu une prescription de diagnostic puis de fouille de l'État. Et grâce à cette prescription, nous avons pu découvrir une cinquantaine de tombes à inhumation qui appartiennent à cette fameuse nécropole sud de Paris. C'est une toute petite fouille. Alors c'est tout petit, ça fait entre 200 et 300 mètres carrés. Mais c'est une parcelle miraculeusement préservée, notamment pour plusieurs raisons. Elle est préservée parce qu'il n'y a pas eu de construction sur le niveau antique. Il n'y a pas eu de construction ni à l'époque médiévale, ni au XVIIIe. Et elle se situe miraculeusement entre le RER qui a été construit dans les années 70 et les immeubles qui ont été construits au 19e ou au 20e. Voilà. Donc il ne reste plus que cette petite parcelle. Mais elle est parfaite parce que cette nécropole, on ne l'avait pas fouillée ni observée depuis le 19e siècle. Alors on la connaissait par Théodore Vacquer, le grand fouilleur du Second Empire, et qui avait déjà fait des observations, mais un peu plus loin. Oui, lui il a suivi donc bien sûr tous les travaux d'Haussmann. Il avait repéré cette grande nécropole qui se situait le long de la rue Saint-Jacques, à l'extérieur de Lutèce. Et les sépultures qu'il avait observées, lui, étaient quand même un peu plus au nord, donc de l'autre côté du boulevard. Il en a quand même observé 400, ce qui est quand même beaucoup sur toutes ces années de travaux. Mais on pensait que là où on a fouillé, nous, on était déjà en dehors de la nécropole. On savait qu'on était en limite ouest de la nécropole. Et donc ce chantier a permis de repousser cette limite et de se rendre compte que la nécropole était encore plus vaste que ce qu'on croyait. Donc là, juste à côté, sous le bitume, on aurait encore des choses? S'il n'y avait pas le RER, oui, il y aurait la suite de la nécropole, tout à fait. Nous sommes donc au croisement du boulevard Montparnasse, du boulevard Saint-Germain et de l'avenue de l'Observatoire. À l'époque romaine, on est à la campagne. Ah, complètement. On est dans les jardins, dans les champs. À l'Antiquité, le monde des morts et le monde des vivants est séparé complètement. Et donc les nécropoles sont toujours implantées à l'extérieur des villes et le long des axes qui mènent aux villes. On peut descendre dans la fouille? Tout à fait, on y va. Nous sommes à peu près à combien de mètres au-dessus du bitume? 3 mètres? À peu près 3 mètres. Alors ce qui frappe tout de suite, c'est le sédiment. Une sorte de beau sédiment limoneux, jaune. C'est limoneux et sableux, ce qu'on appelle du sable de Beauchamp, mais qui est très variable. Donc parfois il est orange, parfois il est jaune. Et c'est sur ce niveau qu'a été implantée la nécropole de Lutèce. On sait où était le niveau de l'époque, le niveau archéologique où les gens marchaient ? À cet endroit du chantier, là où on se trouve, on sait qu'il était plus haut. Il était au moins 1,50 m plus haut. Il a été arasé par les remblais 18e. On sait ça parce que les premières inhumations qu'on a trouvées, les fosses étaient complètement arasées. Donc, il faut bien imaginer qu'il faut avoir la place de mettre un cercueil. Donc, c'est au moins une fosse qui fait au moins 1 mètre de profondeur, donc plutôt 1,50 m. Donc, il faut imaginer qu'il y avait 1,50 m de plus d'inhumations par rapport à là où on est. Donc, ces tombes que l'on voit là sont très profondes. Oui, c'est très variable. Il y en a des très très profondes qui sont au moins à 1,20 m de profondeur. Et il y en a qui sont beaucoup moins profondes, quand juste la taille d'un cercueil et pas plus, quoi. Alors moi, ce qui me frappe, c'est le caractère, on va dire, inorganisé des sépultures. C'est exactement ça. À l'époque de l'Antiquité, il n'y a pas de normes. Donc les sépultures n'ont pas d'orientation prédominante. Elles ne sont pas rangées. On inhume les personnes un peu comme on veut, si on peut dire ça comme ça. Elles peuvent être dans tous les sens, qu'elles se recoupent. Il y a plusieurs niveaux de recoupement. Là, on a 3 ou 4 niveaux de recoupement. Donc le recoupement, ça vous permet d'avoir une chronologie. Exactement. On a une stratigraphie dans les inhumations. Et grâce au mobilier qu'on a mis au jour, on va pouvoir avoir une datation assez précise de l'étendue de l'occupation de cette nécropole. Ça, c'est des données qui vont vraiment affiner la compréhension de l'organisation et de l'occupation de cette nécropole, quoi. Grâce au mobilier, quand même aux 50 sépultures qu'on a trouvées, on va probablement faire des datations radiocarbone. Donc on va pouvoir mieux comprendre comment s'organiser cette nécropole. Grosso modo, on est dans le 2e siècle de notre ère. Exactement, oui. Alors ça, c'est vraiment le cœur de l'occupation de la nécropole, c'est le 2e siècle. On a des indices là qui nous permettent de dire qu'elle est occupée aussi au 3e siècle. Et après, nos analyses et notre étude permettra d'affiner tout ça. Alors ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a eu des tombes recoupées, mais là, il y en a une absolument extraordinaire. On voit probablement les pieds d'un côté, et puis 1 mètre plus loin, un peu de mobilier, c'est la même tombe. C'est la même tombe qui a été, on peut dire, sectionnée en deux par une tranchée de réseau moderne. Et donc on a d'un côté le haut du squelette et puis de l'autre côté les pieds avec un dépôt de vase. Mais tout le reste a été détruit par la tranchée moderne. Alors là nous sommes devant un grand squelette, probablement un adulte. La tête a visiblement roulé, la mâchoire s'est effondrée. Oui, alors ça c'est justement parce que toutes les inhumations qu'on a trouvées sont des inhumations en cercueil. Et donc ça, on le sait, parce que parfois, on a retrouvé des traces de planches, mais surtout, en fait, systématiquement, on a trouvé les clous qui servaient à faire le cercueil, qui sont encore en place, et donc on peut restituer la forme, la taille des cercueils. Et en fait, le cercueil crée ce qu'on appelle un espace vide, et donc au moment de la décomposition des chairs, la tête bascule souvent en arrière, et surtout, la mandibule tombe, puisqu'il n'y a plus de chair qui la retient. Ce qui n'aurait pas été le cas en espace confiné, c'est-à-dire en pleine terre. Exactement. Qu'est-ce que l'on pourrait dire sur cet individu ? Il est beau. Et alors déjà, la conservation des ossements est plutôt bonne. On voit que c'est un adulte. On va pouvoir déterminer son sexe parce qu'il a ses os coxaux qui sont conservés. Donc l'os coxal, c'est l'os du bassin. Donc on va faire des mesures dessus qui vont nous permettre de déterminer le sexe, donc savoir si c'est un homme ou une femme. Et puis après, en laboratoire, dans un second temps, on fera une étude de son état sanitaire. Voilà. Donc son âge, bien sûr, mais aussi toutes les maladies et les causes éventuelles du décès. On regarde souvent les dents, et puis regarder s'il n'y a pas des pathologies au niveau des os, des traces de maladies qui pourraient expliquer la mort. Il faut être honnête, on retrouve rarement la cause de la mort, parce que tout simplement, si vous mourrez d'une grippe, et ben ça ne laisse pas de traces sur le squelette, par exemple. C'est visiblement les pieds qui sont les plus difficiles à fouiller. Et oui, c'est les pieds qui sont les plus difficiles à fouiller parce que sur une grande majorité des sépultures qu'on a trouvées, il y a encore la présence de chaussures. Alors, c'est pas le cuir qu'on retrouve, en fait, c'est les clous qui servaient de semelles. Bah, du coup, tous ces petits clous, parce qu'il n'y en a pas deux, hein, il peut y en avoir jusqu'à 100, ça dépend des modèles de chaussures, sont encore présents. Et parfois, ils sont en position de port, donc au niveau des pieds, mais parfois ils sont en dépôt aussi, comme peut l'être un vase ou autre chose, quoi. C'est grosso modo une population urbaine au cours du 2e siècle qui Et probablement bien nourri, en bonne santé. Probablement. Il faut imaginer que c'est vraiment le cimetière des Parisiens. Hein, donc c'est vraiment la population locale de Lutèce qui est inhumée ici. Donc des hommes, des femmes et des enfants. Donc même si Lutèce n'est pas une grande ville à l'époque, hein, il faut se rappeler que c'est Lyon, Narbonne, Reims, par exemple, ou Trèves, qui sont des grandes, grandes métropoles donc, romaines. Ce qui est très intéressant, c'est bien sûr le mobilier aussi. On a longtemps fouillé pour le mobilier. Aujourd'hui, on fouille pour l'ensemble de la tombe, et notamment les os, puisque vous êtes anthropologue. Oui. Mais malgré tout, le mobilier est assez joli. Il y a un peu moins de la moitié des inhumations qui comportent un dépôt de mobilier. Donc, on a trouvé des récipients en céramique. Donc, parfois, il y en a un seul. Puis, parfois, il y en a beaucoup plus. On a une tombe où il y en avait 8. Ça peut être des plats, des vases, des gobelets. Et puis, on a aussi des récipients en verre, ce qui est quand même beaucoup plus rare parce que beaucoup plus fragile et qui sont également entiers. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment très, très beau. Donc, on a aussi retrouvé quelques sépultures avec des monnaies, notamment dans la bouche. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît de l'Antiquité. C'est l'obol à charron pour traverser le Styx. Très connu. C'est quand même plus intéressant à fouiller que du carolingien. Alors voilà, l'avantage de fouiller de l'Antiquité, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir. En fait, il n'y a pas de normes comme à l'époque carolingienne, où l'Église impose une orientation dans les sépultures, un mode d'inhumation, donc il n'y a jamais d'objets qui sont inhumés avec, puisqu'il faut être humble devant le Seigneur. À l'époque romaine, c'est beaucoup plus funky, c'est-à-dire que il n'y a pas d'orientation, on ne sait jamais où est la tête, où est les pieds, on ne sait jamais s'il va y avoir des dépôts ou pas, quel style de dépôt il va y avoir. Pour un archéologue, c'est beaucoup plus excitant. On est bien sûr en fin de fouille, encore quelques squelettes. Un là est dans la coupe, visiblement vous n'en fouillerez que la moitié, le crâne et jusqu'à un peu quelques côtes. Deux ou trois sont entiers, un autre est coupé, c'est un peu le sort de votre fouille. Oui, parce qu'il faut imaginer que le bord ouest de la fouille, en fait c'est le RER. C'est vraiment la voûte du RER. Donc au moment de la construction du RER dans les années 70, eh bien, ils ont perforé cette nécropole, et donc il y a une partie des sépultures qui sont coupées par ce RER. Heureusement, les lois sur l'archéologie préventive ont changé, et ça nous a permis de mettre à jour ces 50 inhumations. Donc oui, le drame des 30 glorieuses. Fin de fouille d'ici quelques jours? Voilà, on termine le 28 avril, donc il nous reste 10 jours, qui vont être bien nécessaires, parce qu'on a encore quelques belles sépultures à fouiller et à démonter, avant de laisser la place à la RATP. Et en conclusion, peut-être l'élément fort, hormis le côté spectaculaire, bien sûr, des ossements et du très beau mobilier, c'est de voir que vous avez retrouvé une nécropole, bien sûr, extramuros, qui était déjà connue, découverte au XIXe siècle, retrouvée dans un endroit où on ne pensait pas qu'elle était encore. C'est ça, en fait, les découvertes du 19e indiquaient que là où nous fouillons, on était en extérieur de nécropole, on était à la limite de la nécropole. Et donc cette fouille permet de déplacer la limite de la nécropole et de voir qu'elle est encore plus grande que ce qu'on croyait. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Jean-David de Desforges. Nous voici enserrés dans du béton et des voies express, et pourtant nous sommes dans une cour d'honneur d'une grande caserne. Oui, c'est la caserne Sully à Saint-Cloud, qui est appelée à devenir le musée du Grand Siècle après sa rénovation. Mais historiquement, on est dans une partie du parc de Saint-Cloud, puisqu'on est au pied du château, qui a disparu en 1871 au moment de la guerre franco-prussienne, et qui va être rasé par la suite. Alors il reste les dépendances, et cette caserne fait partie des dépendances donc du palais impérial de Napoléon III. Le tout dans un décor année 30 glorieuse, puisque tout est voie express. Oui, tout est voie express. Alors, on est sous les bureaux de la colline qui sont plutôt dans un style pompidolien tardif, proto-Giscard. Mais là-dessous, on a des vestiges archéologiques qui remontent jusqu'à moins 18 000 ans. Une grande fouille, 6 000 mètres carrés ? Oui, on approche les 6 000 mètres carrés, donc avec les tranches fermes et les tranches optionnelles. On a également une opération d'archéologie du bâti sur le bâtiment de 1825-1830. Avec une puissance stratigraphique aussi qui est à noter très importante, puisqu'on descend à 5 mètres de profondeur par endroit. Alors, on est à gauche, on est sur la Seine. À droite, on est sur le coteau de Saint-Cloud. Et le tout, donc, dans les années 1827, une caserne est implantée ? Oui, c'est ça. Alors, si on revient un petit peu sur l'historique, on est à l'époque de Charles X, c'est la Restauration. Le roi de France s'installe dans l'ancien château construit pour le frère de Louis XIV, qui a été racheté à la fin du XVIIIe par Marie-Antoinette, qui est le lieu où Napoléon a fait son coup d'État. Et donc, dans une volonté d'expiation, enfin, tous les cas, de retour de la monarchie sur le site, pour faire oublier le Premier Empire, eh bien, le site va être réaménagé avec la construction de l'hôtel des gardes du corps du roi, donc qui est un ordre militaire, qui est un ordre protocolaire, qui sert, en fait, à protéger le roi de France. Le bâtiment est aussi sur notre gauche, devant un grand espace donc, que vous fouillez, 5 mètres de stratigraphie. Et on commence par tout simplement des déblais, et pas n'importe lesquels, ceux d'une église. Oui, parce que sous la cour d'honneur de la caserne, eh bien, on retrouve le jardin de l'hôtel du duc de Charolles, qui avait donc été racheté par Louis XIV pour en faire don à son frère, un jardin aménagé en terrasse, et c'est dénivelé assez important. Eh bien, Marie-Antoinette, quand elle devient la propriétaire de Saint-Cloud, eh bien, n'en veut plus, et elle fait combler donc ses parties basses en terrasse par tout ce qui provient d'un autre chantier qu'elle ordonne. C'est la démolition de l'église de Saint-Cloud et de son quartier. Église romane ? Même plus ancienne, c'est une église certainement mérovingienne, puisque l'architecte de Marie-Antoinette fait des procès verbaux de visite de l'église, et il note de manière très claire qu'on a des marbres antiques qui sont récupérés pour le décor de l'église, donc c'est une pratique qui se fait effectivement au Moyen-Âge, avec des colonnes disparates, des chapiteaux corinthiens de facture antique, tout ça est bien mentionné dans les sources. Et ça vous l'avez, donc vous retrouvez d'une église mérovingienne, des vestiges antiques, c'est ça ? Comme ce sont des remblais, mais pas n'importe quel remblai, on prélève tout ce qui est marbre. Là, actuellement, les premiers tris à l'issue de la fouille nous montrent une amplitude chronologique pour les marbres qui vont effectivement probablement de l'Antiquité jusqu'au début du XVIIIe siècle, puisque les derniers marbres qu'on peut trouver sont des plaques épigraphiées à la mémoire de défunts. Et puis également des décors, certainement des décors d'église. Alors allez savoir si on a des tombeaux, un retable ou même un maître-autel. Tout ça a été fragmenté, cassé à la masse et amené par tombereau pour combler les dénivelés depuis l'église. Alors on est à peine à 400 mètres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la topographie routière et les aménagements des années 70, on ne s'en rend pas bien compte, mais on a juste un cône de visibilité qui nous montre le coq au sommet du clocher de là où nous sommes. Mais voilà, à peine 400 mètres, et à l'origine, on a des rues qui arrivent ici. Donc c'est facile, en fait, d'amener en chariot le matériel pour combler le parc. Marie-Antoinette achète ce bien. Elle y vient souvent. Elle est intéressée donc par Saint-Cloud ? Alors elle est intéressée par Saint-Cloud parce que elle s'ennuie à Versailles pendant que Louis XVI est en chasse à Rambouillet, et pendant que Marie-Antoinette est à Saint-Cloud, eh bien elle ordonne des fêtes, et puis ce sont des fêtes qui sont ouvertes à la population de Saint-Cloud, et il y a des décors de fleurs, et pour cela elle va utiliser un vieux bâtiment qui est une orangerie du XVIIe siècle qu'elle va convertir en serre aux fleurs. Je sais qu'il y a une petite et une grande orangerie. Ce que vous fouillez, c'est la petite orangerie, c'est ça, de Marie-Antoinette ? C'est ça, c'est la petite orangerie. Alors la grande, c'est là où Napoléon a fait son coup d'État, voilà, puisque le Parlement était rassemblé à Saint-Cloud, un fameux 18 Brumaire. Donc la petite orangerie se trouve en contrebas. C'est un bâtiment qui fait une trentaine de mètres de longueur, 5 mètres de profondeur, et qui a subi plusieurs transformations. On part d'un petit bâtiment du XVIIe siècle qui est agrandi au fil des années, qui va servir d'orangerie. Alors on a retrouvé des systèmes de chauffage. On a retrouvé des systèmes d'adduction d'eau avec un canal et un bassin. Donc ce bâtiment nous a livré en fait tous les éléments de ses fonctions, toutes les traces aussi de son évolution, puisque la façade monumentale qui est orientée vers le château va être transformée et remise régulièrement au goût du jour avec des colonnes, des pierres de taille. C'est un bâtiment très transformé dont l'évolution reste à bien comprendre. L'origine serait le frère de Louis XIV qui l'édifie ? Oui, voilà, c'est-à-dire qu'au milieu du XVIIe siècle, Louis XIV, par une série d'intermédiaires, va procéder à des acquisitions foncières sur le secteur de Saint-Cloud. Alors, il faut remonter quelques années auparavant, parce que Louis XIV a bien en mémoire que le château de Saint-Cloud, qui est à l'origine le manoir de Launay, appartient à Henri II, et Catherine de Médicis en fait don à Jérôme de Gondi. Et précisément, un des héritiers de Jérôme de Gondi, frondeur et janséniste, donc il va produire une première opération foncière après avoir banni Gondi, qui était évêque de Paris et donc seigneur ad officio de Saint-Cloud. Et ensuite, le domaine va être agrandi puisque, comme je vous le disais, nous sommes sur aussi une partie du domaine du duc de Charost. Et le duc de Charost, c'est le gendre de Nicolas Fouquet. Donc, deuxième opération avec pression, entre guillemets, aimable pression pour faire dégager ce grand seigneur et acquisition derrière par intermédiaire pour la couronne et don au prince. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans la petite orangerie de Marie-Antoinette ? Eh bien, on a trouvé donc toutes les traces de l'évolution de ce bâtiment, ses agrandissements. Voilà, un bâtiment qui paraissait très compartimenté au point de départ, mais en fait, ce n'était pas des compartiments, c'était les soubassements des pignons successifs. Voilà, dans ce grand bâtiment rectangulaire. On a également retrouvé, alors sur les arrières du bâtiment, c'est un petit peu comme n'importe quel jardinier ferait, c'est sur les arrières qu'on va mettre les outils et tout ce qui n'est pas très esthétique. Donc c'est là qu'on a retrouvé par milliers des pots horticoles, par milliers aussi des cloches en verre qu'on appelle plus communément les cloches à melons, certainement aussi des outils de jardinier qui vont rester donc à étudier, à radiographier et à restaurer. Vous avez aussi de la céramique d'inspiration chinoise ? Oui, c'est ça, parce qu'avant l'implantation de la serre, on a un mur de terrasse sur lequel on va avoir de place en place des jardinières en faïence avec des décors de camaïeu bleu sur fond blanc, voilà, avec des décors en médaillons, des chinoiseries comme ça qui ornent le parc et qui ont fini par être cassées, détruites. Donc on a les bris en contrebas sous la terrasse. Donc on plantait dans ces chinoiseries des plantes, c'est bien ça ? Des fleurs ? Comment ça se passait ? Ben justement, on a fait des prélèvements de sédiments pour, dans l'éventualité de retrouver des pollens, des graines, on verra. Après, je ne vous cache pas que les conditions de conservation ne sont pas forcément favorables pour ce genre de conservation. En tous les cas, on fait le pari de pouvoir en retrouver. Et puis, ce qu'on a aussi noté, sont les traces du jardin Le Nôtre, avec des alignements, des plantations, des fosses de plantation qui révèlent de la préparation de la culture d'arbustes en caissons. Donc ces caisses sont enterrées directement dans le sol, ou alors même les plantes vont se développer dans des jattes, dans des céramiques de grand format comme ça, qui sont recyclées et qu'on retrouve dans les fonds de fosses, parce que tout est enterré, pas seulement la motte, mais aussi le contenant. Ce qui est notable aussi, c'est que on a retrouvé des vestiges de canalisation plus anciennes que les aménagements Le Nôtre. Donc on sait que au XVIe et au XVIIe siècle, on va avoir des bassins avec des tubulures en terre cuite qui sont par la suite démantelés puisque les bassins ne servent plus. Et ce sont les jardiniers de l'époque Le Nôtre qui vont faire des fagots comme ça de tubes en céramique et les enterrer bien profondément. Donc on a comme ça les gestes des jardiniers du XVIIe siècle qui réapparaissent. Donc là, on est quand même sur des niveaux très récents. Qu'est-ce qu'on a juste en dessous ? Eh bien, sous le jardin du XVIIe siècle, on a peut-être des phases de jardin du XVIe ou du début du XVIIe siècle. Parce qu'avant l'unification foncière pour la création du domaine de Monsieur, donc le frère de Louis XIV, on a un parcellaire de faubourg. Donc on a plusieurs types d'activités et d'habitats. Alors les activités, ça va être de l'agriculture, ça va être également, on a un moulin avec un cours d'eau qui l'alimente et qui provient du plateau. On a aussi une parcelle qui appartient à l'hôtel Dieu de Saint-Cloud et dont les rentes sont utilisées pour une maladrerie qui n'est pas très loin. Et ce qui est notable aussi, c'est qu'on a un parcellaire avec de grands murs qui vont accueillir donc jusqu'au XVIIe siècle de grands propriétaires, dont des parlementaires de Paris. Alors on sait par les sources que la famille Séguier, la famille donc du président Séguier du Parlement de Paris, habite à Saint-Cloud, à côté de gens plus modestes, des artisans, des marchands, parce que le secteur n'est pas encore fermé, n'est pas encore scellé par le parc, et on a des voies de faubourg entre Saint-Cloud et Sèvres. On descend encore, et là, on tombe sur le Moyen-Âge ? On tombe sur le Moyen-Âge, alors avec un Moyen-Âge classique plutôt ténu, et les choses se prennent en épaisseur avec la période carolingienne, puisqu'on a un grand bâtiment là qui a surgi, qui est vraiment inattendu, avec des occupants certainement aisés, puisqu'on a retrouvé de la céramique fine et des tessons de verre avec des décors très sophistiqués. Et sous ces bâtiments carolingiens, on a de l'occupation mérovingienne, qui elle-même s'implante sur une voie romaine. C'est-à-dire qu'on a un axe de circulation nord-sud sur la parcelle qui se retrouve piégé sous des colluvions. Alors on a des glissements de terrain qui viennent du plateau, et l'habitat s'implante. L'axe de circulation va osciller un petit peu vers l'ouest, mais finalement, dans les grandes lignes, on passe ici, on peut traverser le secteur jusqu'au XVIIe siècle. Au Carolingien, vous auriez aussi des peignes en os, du joli mobilier. Donc on est sur probablement une population assez aristocratique. Ben voilà, à l'époque carolingienne, Saint-Cloud est en plein développement économique. Il y a le culte de Saint-Cloud qui se met en place avec des pèlerinages, avec des foires. Il y a le franchissement de la Seine avec son pont qui existe certainement à cette époque, hein, puisqu'on a une mention du pont durant cette période. Voilà, la ville n'est pas encore close et on est sur les franges. Hein, et je pense que, vu les traces que nous avons, outre le mobilier archéologique, les indices d'architecture, hein, des négatifs de Sablière, on pourrait avoir un bâtiment de belles dimensions sur Sablière et élévation pan de bois. Alors vous me disiez que cette grande maison carolingienne s'implantait donc sur une voie romaine. La voie romaine, c'est le tout petit caillouis que l'on voit juste dans la coupe, en dessous d'un mur. Oui, voilà, parce que, comme on l'aura compris, on est coincé entre la Seine et le coteau, donc l'axe de circulation est forcément du nord au sud, et toutes les lignes de force reprennent cette orientation. Alors que ce soit le mur de terrasse qu'on voit, qui date de la fin du Moyen-Âge et qui va subsister jusqu'au XVIIIe siècle, et qui va se retrouver donc enseveli sous l'aménagement de la caserne, cette voie également qui est orientée nord-sud, et dessous, on commence à voir des choses un peu plus chaotiques. Ce qui nous permet de déduire que c'est durant l'Antiquité, durant la période romaine, que le secteur est mis en terrasse, qu'il est stabilisé pour éviter tous ces effondrements. Voilà, donc on façonne le coteau de Saint-Cloud à ce moment-là. Et pour les périodes proto-historiques, c'est beaucoup plus chaotique. On est au pied d'une falaise assez érodée. Alors ensuite, on descend encore et on voit une sorte de gros fossé artificiel ou naturel. Alors c'est naturel, il s'agirait d'une ravine qui se met en place il y a moins 18 000 ans, voire de manière un peu plus ancienne. Là le paysage change complètement, on est au pied d'une falaise assez puissante. Et puis les eaux qui ruissellent de cette falaise tombent en torrent et vont abîmer la roche, la fracasser. Et on a comme ça des ravines qui arrivent dans le futur lit de la Seine. Et dedans, un peu de matériel proto-historique de l'âge du bronze, entre 2000 et 1000 avant notre ère. Voilà, on a du bronze ancien qui est présent. Alors peut-être un habitat avec des trous de poteaux qui sont implantés dans le comblement de ces ravines. Donc on a ce qu'on appelle des paléosols, on a des niveaux qui piègent du mobilier proto-historique. Et ce qui est plus surprenant, c'est qu'en dessous, on a encore des choses plus anciennes. Jean-David Desforges, le chantier arrive pratiquement à sa fin. Vous en avez un autre de l'autre côté, vous allez le reprendre ensuite, c'est ça? Alors oui, là, en fait, on est sur ce qu'on appelle la tranche ferme, qui a commencé à mi-septembre de l'année dernière, qui va s'achever à mi-mai. Et cette tranche ferme, elle va être suivie par plusieurs tranches optionnelles, mais qui s'affermissent. Donc la suite des opérations, c'est fouiller la partie nord de la parcelle de la caserne Sully, donc l'entrée. Et puis on va également procéder à des opérations après le démantèlement des bâtiments en béton des années 70 et 80. Donc ça va apporter de nouvelles données. On aura la suite de nos vestiges, puisque la serre et l'orangerie, qui est aussi l'orangerie, se prolongent sous un des bâtiments, que la maison donc carolingienne se prolonge aussi sous la pointe nord de la parcelle. Donc on va compléter les observations. Et tout ça pour la création d'un grand musée à Saint-Cloud? C'est le musée du grand siècle, oui. C'est pas tous les jours qu'on fouille dans le cadre d'un projet de musée. Je pense que dans la région, la dernière fois, sans me tromper, c'était pour le Louvre. Là, on est à Saint-Cloud, donc toute l'équipe est très consciente d'être dans cette position de relais de projet patrimonial transversal. Carbone 14 était réalisé par Alexandra Malka, à la technique Manon Houssin et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon, Pierre Chabert et Joseph Julien. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, où retrouver plus de 300 archives sur le site inarap.fr.